Le soir, après le départ des prétendants, aidé par Athéna, Ulysse et Télémaque enlèvent toutes les armes qui se trouvent dans la salle à portée des prétendants. Pénélope interroge alors Ulysse. Ce dernier se présente comme un crétois et prédit le retour d'Ulysse, qu'il aurait rencontré lors de ses voyages. Pénélope, malgré ses doutes, ordonne que l'on s'occupe de cet hôte. Ulysse ne consent à se laisser toucher que par une vieille servante, Euryclée. « Allons, viens, toute sage Euryclée, lève-toi pour lui donner le bain. C'est un contemporain de ton maître, je crois. Ulysse aurait ses pieds, Ulysse aurait ses mains. Ah, la misère est prompte à vous vieillir un homme. » Elle dit. Mais la vieille Euryclée, se cachant des deux mains le visage, pleurait à chaudes larmes et disait sanglotant. « Ulysse, mon enfant, pour toi je n'ai rien pu. Toi que Zeus exécra entre tous les humains, alors que tu servais les dieux d'un cœur fidèle. D'aucun autre mortel, le brandisseur de foudre Zeus, reçut-il jamais autant de gras cuisseaux, d'hécatombes choisies? Et quand tu demandais, pour tant de sacrifices, une vieillesse heureuse auprès d'un noble fils, c'est à toi seul, que Zeus a refusé la journée du retour. Ah, comme toi, notre hôte, peut-être a-t-il connu, en des manoirs fameux, chez des hôtes lointains, le mépris de servantes pareilles à ces chiennes qui toutes te méprisent. Et c'est pour éviter leurs blâmes et leurs affronts que tu ne voudrais pas être baigné par elles. Mais moi, c'est de grand cœur que je veux obéir à la fille d'Icare, la plus sage des femmes, et te laver les pieds, autant pour toi que pour Pénélope elle-même, car une grande angoisse a levé dans mon cœur. Veux-tu savoir pourquoi? Je m'en vais te le dire. J'ai vu venir ici beaucoup de malheureux, mais je n'ai jamais vu pareille ressemblance de démarche, de voix, de pied avec Ulysse. Ulysse l'a visé, lui fit cette réponse. Tous ceux qui nous ont vus, de leurs yeux l'un et l'autre, retrouvent entre nous la même ressemblance. Mais qui peut en parler aux vieilles mieux que toi? Il dit. Et s'apprêtant à lui laver les pieds, Euryclée s'en fut prendre un chaudron scintillant, y mit beaucoup d'eau froide, puis ajouta l'eau chaude. Ulysse était allé s'asseoir loin du foyer, en tournant aussitôt le dos à la lueur, car son âme soudain avait craint que la vieille, en lui prenant le pied, ne vît la cicatrice qui révélerait tout. Or, à peine à ses pieds pour lui donner le bain, la vieille reconnut le maître à la blessure, qu'en suivant au Parnasse les fils d'Autolycos, Ulysse avait jadis reçu d'un sanglier à la blanche défense. Or, du plat de ses mains, la vieille en le palpant reconnut la blessure et laissa retomber le pied dans le chaudron. Le bronze retentit, le chaudron bascula, l'eau s'enfuit sur le sol. L'angoisse et le bonheur s'emparaient de la vieille. Ses yeux se remplissaient de larmes et sa voix si claire défaillait. Enfin, prenant Ulysse au menton, elle dit « Ulysse, c'est donc toi? C'est toi, mon cher enfant? Et moi qui ne l'ai pas aussitôt reconnu. Il était devant moi, je le palpais, ce maître. » Elle dit, et tourna les yeux vers Pénélope, voulant la prévenir que l'époux était là. Pénélope ne put rencontrer ce regard. Athéna détournait son esprit et ses yeux. Mais Ulysse, de sa main droite, avait saisi la nourrice à la gorge et de son autre main l'attirant jusqu'à lui. « Et quoi? C'est toi, nourrice, dont le sein m'a nourri? C'est toi qui veux me perdre lorsqu'après 20 années de maux de toutes sortes, je reviens au pays? Puisqu'en ton cœur, les dieux ont mis la vérité, tais-toi. Qu'en ce manoir, nul autre ne le sache, car moi, je t'en préviens, et tu verras la chose. Si quelque jour un dieu jette sous ma vengeance les nobles prétendants, tu peux m'avoir nourri, je te traiterai moi comme les autres femmes qui ne sortiront pas en vie de ce manoir. » La très sage Euryclée lui fit cette réponse. « Quel mot s'est échappé de l'enclos de tes dents, mon fils? Ne sais-tu pas le cœur que je te garde et que rien ne m'ébranle? Le caillou le plus dur, le fer ne tient pas mieux. Mais écoute un avis et le mets en ton cœur. Si les dieux quelque jour jettent sous ta vengeance les nobles prétendants, c'est moi qui te dirai, nom par nom, les servantes qui t'ont en ce manoir trahi ou respecté. » Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Nourrice, laisse donc. Pourquoi me les nommer? Crois-tu que de mes yeux, je ne saurais pas voir et connaître chacune? Mais garde mon secret et laisse faire aux dieux. » Il disait, et la vieille, à travers la grande salle, s'en fut chercher de l'eau, car tout son premier bain était là, répandu. Puis, lui lavant les pieds, les oignit d'huile fine. Ulysse alors, tirant son siège auprès du feu, se mit à se chauffer. C'est l'oque maintenant recouvrait sa blessure. La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. « Mon hôte, je n'ai plus à te dire qu'un mot. Voici l'heure où le lit va sembler agréable, quand malgré les chagrins, on peut se laisser prendre aux douceurs du sommeil. Moi, c'est un deuil sans fin que me donnent les dieux. Mais voyons, donne-moi ton avis sur un songe que je m'en vais te dire. Je voyais dans ma cour mes 20 oies qui, sortant de l'eau, mangeaient le grain. Leur vue faisait ma joie, lorsque de la montagne, un grand aigle survint, qui de son bec courbé brisa le col à toutes. Elles gisaient en tas, pendant que vers l'azur des dieux il remontait. Et toujours en mon songe, je pleurais et criais, et j'étais entouré d'achéennes bouclées, qu'attiraient mes sanglots, et je pleurais mes oies que l'aigle avait tuées. Mais sur le bord du toit, il revint se poser, et pour me consoler, prenant la voix humaine. « Fille du glorieux Icare, sois sans crainte, ceci n'est pas un songe, c'est bien, en vérité, ce qui va s'accomplir. Les prétendants seront ses oies. Je serai l'aigle, envolé tout à l'heure, à présent revenu. Moi, ton époux, je vais donner aux prétendants une mort misérable. » Il disait. Le sommeil de miel m'avait quitté. À travers le manoir, j'allais compter mes oies. Tout comme à l'ordinaire, je les vis becqueter le grain auprès de l'auge. Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Femme, je ne vois pas que l'on puisse donner d'autre sens à ton rêve. De la bouche d'Ulysse en personne, tu sais ce qui doit advenir. Pour tous les prétendants, c'est la mort assurée. Pas un n'évitera le trépas et les parcs. » La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. « Ô mon hôte, je sais la vanité des songes et leur obscur langage. Je sais pour les humains combien peu s'accomplissent. Mais écoute un avis et le mets en ton cœur. La voici, elle vient, l'aurore de malheur, où j'abandonnerai cette maison d'Ulysse. Je vais leur proposer un jeu, celui des haches. Ulysse, en son manoir, alignait 12 haches comme étaient de carènes. Puis, à bonne distance, il allait se poster pour envoyer sa flèche à travers tout le rang. C'est l'épreuve qu'aux prétendants je vais offrir. Si l'un d'eux, sans effort, peut nous tendre cet arc, et dans les 12 haches envoyer une flèche, c'est lui que je suivrai, quittant cette maison, ce toit de ma jeunesse, si beau, si bien fourni, que je crois ne jamais oublier, fût-ce un rêve. » Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Digne épouse du fils de Laerte, d'Ulysse, chez toi, sans plus tarder, ouvre-leur ce concours, car tu verras rentrer Ulysse l'avisé avant que tous ces gens, maniant l'arc poli, aient pu tendre la corde et traverser les haches. » La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. « En ce manoir, mon hôte, si tu voulais rester encore à me charmer, le sommeil ne saurait s'abattre sur mes yeux. Mais on ne peut toujours écarter le sommeil. C'est pour tous les mortels que sur la terre au blé, les dieux ont fait la loi. Je vais donc, il est temps, regagner mon étage et m'étendre en ce lit qu'emplissent mes sanglots et que trempent mes larmes depuis le jour qu'Ulysse est allé voir là-bas cette Troie de malheur. Que le nom en périsse. Puissais-je reposer, toi, dors en ce logis. Fais-toi par terre un lit ou contredesse un cadre. » À ces mots, regagnant son étage brillant, sans la laisser suivait le reste des servantes, elle rentra chez elle avec ses chambrières. Elle y pleurait encore Ulysse, son époux, à l'heure où la déesse aux yeux pères Athéna vint jeter sur ses yeux le plus doux des sommeils.